À l'occasion du 52e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, les cercles d'études des Ejujutsu de Basco et de Madrid, Espagne, ont organisé respectivement un séminaire sur ses œuvres classiques, alors que la ville de Palzizansk et l'arrondissement de Bikin du territoire de Khabarovsk, Russie, ont abrité les expositions de photos, de livres et de beaux-arts coréens. Par ailleurs, à l'occasion des 52 ans de l'intégration de Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée et des 16 ans de l'historique déclaration commune Nord-Sud du 15 juin, ont eu lieu les conférences en Finlande, en Suède et en Afrique du Sud.